cours numéro 31. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فانتهينا أمس ولله الحمد من كلام ابن تيمية رحمه الله concernant les étapes de l'au-delà et l'iman بِالْيَوْمِ الْآخِرِ et tout ce qui concerne le jour dernier. La mort, ثم la tombe, les comptes, الحوض الصراط, الشفاعة, الجنة, النار, toutes ces étapes qu'on a vues, walillahi alhamd, ensemble. Et on n'avait pas lu Kalam Sheikh Sa'di rahimahullah, une explication résumée qu'il a écrite. فَنَقْرَاهَا الْيَوْمِ ونسأل الله عز وجل التوفيق قال رحمه الله أي الشيخ السعدي ذكر المصنف رحمه الله أي الإمام ابن تيمية هذا الكلام النفيس المتعلق باليوم الآخر المأخوذ من نصوص الكتاب والسنة et on a essayé ولله الحمد dans le درس précédent de citer et dans les autres درس كذلك de citer des preuves min al-Qur'an wa sunnah pour chaque point. قال وهو كلام واضح جامع واحال على الكتاب والسنه في بقيه تفاصيل اليوم الاخر. نعم. لماذا؟ لانه رحمه الله il a pas tout cité, il a pas détaillé. لكن comme on a vu ensemble au début de ce livre, on a هذه العقيدة سمتن سامتن مختصر qui est très résumé et qui est simplifié pour chaque muslim. C'est pour ça que même le débutant, même le ami, s'il lit هذا الكلام أي سمتن il le comprendra بإذن الله عز وجل. Voilà aussi, il ne comprend pas, avec une explication simple, ça sera facilité pour lui. قال وقد كتب أهل الإسلام من النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة فيما يتعلق باليوم الآخر والجنة والنار وتفصيل ذلك الكثير. نعم. أي beaucoup de livres qui ont été écrits à ce sujet sur le jour dernier. ولله الحمد par les savants de l'islam. وصنف المصنفات المطولة والمبسوطة. Des livres qui sont assez détaillés et des livres qui sont résumés. On a cité un min ahsan hadhihi al-kutub min hayth as-sihha wal-jam' ay un livre qui est détaillé et qui est fondé sur la voie des salaf walillahi alhamd, c'est le livre at-tadhkira bi ahwal al-mawt wa ad-dar al-akhirah de l'imam al-Qurtubi rahimahullah. Ce livre, il a été imprimé en 3 volumes. Et l'imam al-Qurtubi, rahimahullah, il a cité toutes ces étapes. De la mort jusqu'à le paradis et l'enfer. Alayhi rahmatullah. Fasamin ajma' al-kutub fi hadha al-bab. Ce livre fait partie des livres les plus utiles et qui englobe le plus ce sujet. Walillahi alhamd. Kadhalik, kitab Hadi al-Arwah. Fi bilad al-Afrah. De l'imam ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi. Et c'est un kitab nafis jiddan. Ils l'ont imprimé récemment en 2 volumes avec une tab'a tayyib. Lakin, ce livre, il traite le sujet de l'jannah principalement, du paradis. Kadhalik, l'imam ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a un autre livre, Kitab al-Ruh. Kitab al-Ruh, il a traité le sujet de l'âme et bien sûr, il a parlé de la mort, de la tombe, etc. Min al-Kutub, kadhalik, al-Nafis. كتاب التخويف من النار وكذلك كتاب أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور سي دو رسائل سي دو الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه et ces livres ils sont assez résumés, c'est des rasail de quelques pages, lakin les livres de Ibn Rajab rahmatullah alayhi, c'est des livres très très bénéfiques. Le premier donc, التخويف من النار, c'est une risala qui est qui est consacré à l'enfer. At-Tahwil, ça vient de la peur. An-Nar, c'est le feu. Et la deuxième, Ahwal al-Qubur wa Ahwal Ahliha ila al-Nushur, c'est une risala qu'il a écrite, rahmatullah alayhi, spécifiquement sur la tombe. Kadhalik kitab Dhikr al-Maut, wa kitab al-Qubur, wa kitab Sifatu al-Jannah wa Sifatu al-Nar de Ibn Abi Dunya, rahmatullah alayhi. Ibn Abi Dunya, c'est un imam qui a écrit beaucoup de livres, dans beaucoup de sujets. Et il a traité le sujet de la mort dans un livre. Kadhalik la tombe, le paradis, l'enfer. Lakin Ibn Abi Dunya, rahmatullah alayhi, ma'rouf, il cite beaucoup de hadiths et certains des hadiths qu'il cite, ils sont faibles, voire très très faibles. Celui qui lit un de ses livres, va là-bas, il choisit un livre qui est muhaqqaq, qui a été authentifié, qui a été corrigé, hatta yastafid. Kadhalik, on peut citer kitab Sharh al-Sudur, bi ahwal al-mawta wal-qubur. Les As-Suyuti, rahmatullah alayhi. Et As-Suyuti, ma'rouf, dans ses livres, il a écrit kadhalik beaucoup, beaucoup de livres. Dans certains de ses livres, dans la plupart de ses livres, il y a beaucoup de hadiths daïfs, ahyanan des hadiths qui sont très très faibles, voire inventés. Hadihi al-kutub, des références, des sources dans ce sujet très très important, al-iman bil-yawm al-akhir. Et on conseille, nahnu nos frères, s'il faut acheter un livre et choisir un livre, kitab al-Qurtubi. التذكرة للإمام القرطبي رحمة الله عليه. لماذا؟ لأنه جامع. Il a rassemblé la plupart des masailles. Il a rassemblé toutes ces étapes, de la mort jusqu'à l'enfer ou le paradis. Et alhamdulillah, c'est une référence. وكذلك le livre, bien sûr, de l'imam al-Qayyim, Had al-Arwah, il est mashhour, il est ma'rouf. قال الشيخ سعدي رحمه الله تعالى والمهم أن ذلك كله داخل في الإيمان باليوم الآخر. On a, walillahi alhamd, appris un dhabit. Al-yawm al-akhir, c'est quoi? Qal ibn Taymiyyah, rahimahullah. Wa min al-iman bil-yawm al-akhir, al-iman bi kulli ma akhbara bihi an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, mimma yakunu ba'da al-maut. Tout ce qui arrivera après la mort. Ça, c'est al-iman bil-yawm al-akhir. ثم قال رحمه الله واعلم أن أصل الجزاء على الأعمال خيرها وشرها ثابت بالعقل. Après avoir montré que l'imam le Taymiyyah, rahimahullah, il avait résumé ce point important, la foi au jour dernier, et wallillahi alhamd, on a cité des références pour celui qui veut approfondir le sujet. Cheikh Sa'di, rahimahullah, comme on a, il n'a pas expliqué toutes ces étapes. C'est pour ça que dans les dourous précédents, wallahi alhamd, on les a expliqués. Mais là, il a cité un point. Anna asl al-jaza ala al-a'mal khayriha wa sharriha thabitun bil-aql. Même la raison de chacun, elle accepte. Globalement, bien sûr. Mais les détails, il faut forcément des textes. Mais globalement, al-aql, il accepte hada. Et on a été créé et on sera jugé. Et ça implique qu'on sera ressuscité. Ça implique que dans l'au-delà, il y a une autre vie. قال رحمه الله كما هو ثابت بالسمع. السمع, c'est les preuves du Coran et de la Sunna. Donc bien sûr, on a des preuves du Coran et de la Sunna sur ce fondement, la foi au jour dernier, et la raison, elle accepte. هذا. فإن الله نبه العقول إلى ذلك في مواضع كثيرة من الكتاب وذكر ما هو مستقر في العقول الصحيحة من أنه لا يليق بحكمة الله وحمده أن يترك الناس سدى. La raison, elle accepte هذا. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs versets, يخاطب الإنسان بعقله. أفلا يعقلون أفلا يتذكرون. Et on lira kalam sur Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, un kalam nafis sur hada. Fa'ala kulli hal, hikmatullah subhanahu wa ta'ala, et Allah azza wa jal, c'est le hakim, annahu, il a créé l'insan pour qu'il l'adore, bien sûr, pour qu'on adore Allah azza wa jal, Et min hikmatihi, c'est qu'il y a des comptes pour récompenser celui qui a accompli le pourquoi il a été créé, pourquoi il a été créé et l'adoration, et pour châtier celui qui a refusé. Ça, c'est min hikmatillahi azza wa jalla, et la raison, elle accepte hada. C'est pour ça que fait dunya, les gens, ils font pas ce qu'ils veulent. C'est pour ça que les pays, ils ont instauré des règles, des lois. Et fait l'haqiqa, al-wajib ala al-jami', c'est d'appliquer les lois d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Enfin, on en a besoin même fit dunya. Celui qui fait une mauvaise chose, il peut recevoir une amende, il peut se faire emprisonner, il y a des sentences dans la législation islamique. Kadhalik, celui qui fait des bonnes choses, faroubama, il a certaines aides, il est encouragé par certaines choses. Ma'ruf hada. Les êtres humains, ils acceptent hada fit dunya. Les kuffars, ils ont délaissé les lois d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ou بعض المسلمين à cause des passions, à cause de la faiblesse de la foi, à la kulli hal, même ceux qui n'appliquent pas les lois d'Allah, subhanahu, ils appliquent certaines choses. Maintenant, tout ce qui est lié à la prison, tout ce qui est lié aux amants, tout ce qui est lié à certaines sentences, ça prouve que Al-Aql, il accepte que les gens ne font pas ce qu'ils veulent. Wa illa, si fi dunya, on n'appliquerait pas cela. Et on répète que Al-Khayr wal-Huda et l'obligation, c'est d'appliquer les lois d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Lakin, si les gens, ils sont laissés hakada, sans aucune loi, sans aucune restriction, sans aucune obligation, sans aucun devoir, là, chacun, ça va être le fawda, ça va être l'anarchie. Chacun va faire ce qu'il veut, hada, il va tuer, hada, il va agresser, hada, il va prendre les biens d'un autre. Donc, fi dunya, on accepte hada. Et il faut un minimum de règles. Prends l'exemple, même pour une chose très très simple pour la conduite, s'il n'y aurait pas de règles, là, je sais que ça serait l'anarchie, ça serait le fauda dans la route. Il y aurait beaucoup de morts, il y aurait beaucoup de blessés, il y aurait beaucoup d'injustices. Avec certaines règles, l'être humain, il arrive à avancer et on accepte ça. Enfin, pourquoi, ou là, fil akhira, iyadan billah, ay al-kuffar, tout ça, ils le rejettent. وبعضهم يسون كلير عياذا بالله انهم لا يؤمنون alors que même s'ils ne croient pas au Coran, à la Sunna, au texte, et c'est des kuffars, c'est pas étonnant, lakin la raison normalement, elle devrait les pousser à ne pas rejeter هذا. C'est pour ça que tu trouves بعض اليهود والنصارى يؤمنون بالآخرة. Ils ont cette conviction du jour dernier, etc. Lakin al-ilhad wal-kufr, خاصة à notre époque, ça a poussé certaines personnes à rejeter ce point qui était unanime chez tout le monde. Ils l'ont rejeté à cause de Al-Ahwa, à cause de la mécréance, à cause de leur égarement. قال الشيخ سعدي رحمه الله وذكر ما هو مستقر في العقول الصحيحة من أنه لا يليق بحكمة الله وحمده أن يترك الناس سدى أي Hamala. Ça ne fait pas partie de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala de délaisser les gens sans fait dunya, bien sûr, sans guider. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé des messagers, alayhim salatu salam, il a révélé des livres avec des lois, avec des règles. Et kadhalik min hikmati azza wa jalla, anna yawm al-qiyamah, il y aura des comptes. Et c'est ça la justice. Et c'est ça la sagesse. Qala أو أن يكونوا مخلوقين عبثا لا يؤمرون. Ça, c'est في الدنيا. Donc, c'est valable pour les deux. في الدنيا, on a des règles, des devoirs. Et dans l'au-delà, la récompense. Et tout ça, c'est la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون وأن العقول الصحيحة تنكر ذلك أشد الإنكار. وكذلك نبههم على ذلك بما أوقعه من أيامه في الدنيا من إثابة الطائعين. وتعجيل بعض ثوابهم وعقوبة الطاغين وإيذاقهم بعض ما وعدوا به. نعم. C'est pour ça que même في الدنيا, Allah subhanahu wa ta'ala, il élève certains et il rabaisse d'autres. Il récompense certains et il châtie des autres. في الدنيا. Ça nous montre la récompense et le châtiment, c'est haqq. C'est la vérité. Et celui qui n'a pas d'orgueil, il accepte هذا. قال وهذا شيء مشاهد محسوس متناقل بين الناس بالتواتر الذي لا يقبل الشك ولا يزال يرى. نعم, هنا une erreur. الياء. الصواب يرى. يرى عباده آياته في الآفاق وفي أنفسهم ما يتبين به الحق لأولي العقول والألباب. نعم. Donc, c'est clair. Il n'y a aucun doute que le jour dernier, c'est la vérité. Et ça arrivera. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, fi sharhihi, qala. Avant de terminer la parole de Cheikh Saadi, on lit un kalam mufid. Au début de ce fondement, fasl fil qiyamati al-kubra, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, là c'était des preuves du Coran. Et de la sunna, le jour dernier, c'est la vérité. Et on a lu certains versets. قوله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. Ça montre أن هذا سحق يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت إلى آخر الآيات. الله سبحانه وتعالى dans beaucoup de versets il détaille هذا اليوم العظيم. Il a cité كذلك des أدلة من السنة. Il a cité الإجماع رحمة الله عليه. Et il a cité أن العقل la raison, la saine nature, elle accepte هذا. Et le kalam qu'on vient de lire de Cheikh Saadi. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ثم نوع خامس أي من الأدلة qui prouve que le jour dernier c'est la vérité. وهو العقل ووجه ذلك أنه لو لم يكن هذا اليوم لكان إيجاد الخلائق عبثا. Si ce jour dernier, et après la mort, la tombe, le jugement, les contes, l'enfer, le paradis, ça ne serait pas la vérité. Le fait d'avoir créé al-khala'iq, il n'y aurait pas de hikma. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le hakim. Donc ça nous montre qu'il y a ceux qui rejettent la foi au jour dernier, c'est min akfar al-kafirin. C'est pour ça que c'est des kuffars. On ne doit avoir aucun doute. لماذا؟ لأنه c'est une accusation à Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, لأنه il donnera, il rendra, il jugera pas plutôt ses serviteurs. قال والله عز وجل منزه عن العبث. العبث c'est faire une chose sans hikma, sans sagesse, sans objectif. مثل بعض الناس, ils font des choses من العبث. مثلا أحيانا des حركات et elles sont inutiles. Ça s'appelle Al-Abath. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé la créature les hikmatin azima. Pour un jour, tout le monde aura à rendre des comptes. Tout le monde, ay al-mukallafoun. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné de faire certaines choses et de délaisser d'autres choses. Ay al-jinn wal-ins. Et il a créé pour ha'oula beaucoup de choses, des animaux, des arbres, des fruits, des légumes, le soleil, etc., pour qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma, après cette étape, et ce test, et ce bâmon, les comptes. Qala, rahimahullah, Thumma al-hikmatu min qawmin yukhlaqoon wa yu'maroon wa yunhawna wa yulzamoon bima yulzamoon wa yundaboon ila ma yundaboon ilayh thumma yamutoon wa la hisab wa la iqab. Non. Il n'y aurait pas de sagesse si ces créatures, ils doivent faire telle chose, ils ne doivent pas faire telle chose. Combien d'épreuves, ce bas monde avec tout ce qui comporte, etc. Et à la fin, on meurt et il n'y a plus rien. هذا لا يقبله عاقل فضلا عن مؤمن. عاقل, quelqu'un qui a la raison, qui réfléchit un minimum, il n'accepte pas هذا. أنه après toutes ces étapes, مثلا بعض الناس ils font des injustices ليلا ونهارا. Et ta'ammal, al-kuffar, soi-disant, ils n'aiment pas l'injustice, soi-disant, ils repoussent, ils essaient de combattre l'injustice, il a akhri. Lakin, si on qaddara na wahed, il commet des injustices et personne ne peut le réprimander. Ou la plupart des gens, ils ne savent pas. Et il meurt. Ça veut dire que toutes les injustices qu'il a fait, hakada, il meurt et il n'aura jamais à rendre de compte. Ayyadam billah. Ça contredit la raison saine. أما المؤمن يعلم ويعترف أن celui qui commet une injustice, même s'il ne paye pas في الدنيا, il payera يوم القيامة. Il rendra des comptes le jour du jugement. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le hakim. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il déteste l'injustice. Et ceux qui ont subi cette injustice, Allah subhanahu wa ta'ala, il les secourra yawm al-qiyamah. Et ahyanan, il les secourt fi dunya. Azza wa jal. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, wa li hadha qala Allah ta'ala, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un? فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. Ce verset, قال عز وجل, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا. Et est-ce que vous pensez qu'on vous a créé hakada sans aucun but, sans aucun objectif? عَبَثَ أي dans le vide. قال عز وجل, وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Est-ce que vous pensez que vous n'allez pas revenir auprès de nous? قال عز وجل فتعالى الله الملك الحق. الله سبحانه وتعالى الملك الحق. فلهذا قال عز وجل هنا فتعالى الله الملك الحق. أي bien sûr que هؤلاء, tout le monde sera ressuscité, tout le monde parmi les êtres humains et les djinns rendront des comptes. قال عز وجل لا إله إلا هو رب العرش الكريم. الله سبحانه وتعالى, il a créé هذا العرش العظيم الكريم. Et c'est une créature parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala min babi awlai. Il a créé les êtres humains, c'est lui qui les possède, c'est lui qui les gère et c'est lui qui les jugera. Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, inna alladhi farada alayka al-Qur'an laradduka ila ma'ad. Allah subhanahu wa ta'ala qui a révélé ce Coran, qui nous a ordonné beaucoup de choses, il nous a interdit certaines choses, qala laradduka ila ma'ad. Ay, anna, on sera ressuscité. On aura des comptes à rendre. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, kayfa yufridu al-Qur'an wa yufridu al-'amal bih, thumma la yakun hunak ma'ad. Al-ma'ad, c'est tout ce qui est lié au jour dernier, la résurrection, etc. قال نحاسب على ما نفذنا من هذا القرآن الذي فرض علينا. أي كم أقرأ هذا؟ أن الإنسان لا يعطيك كنتارون. نعوذ بالله. هذا كلام جميل. Et ça appuie ou ça détaille un peu plus la parole de Cheikh Saadi رحمة الله عليه. على كل حال, فالإيمان باليوم الآخر ثابت بالقرآن وبالسنة. Bien sûr, l'ijma', l'unanimité des musulmans, wa hakada al-aql, et la raison. C'est pour ça que même le kafir fil haqiqa, et vous avez remarqué, ils n'aiment pas quand on parle de la mort, et quand tu parles d'après la mort, ils n'aiment pas. Les mains, les annahum, ils ne sont pas sûrs. Et ça, c'est une musib. Amma al-mu'min, il est muwaffaq min Allahi azza wa jil. Anna, on est sûr, on est convaincu. C'est pour ça que Al-Mu'min, il prendra jamais le risque, wallahi alhamd, de perdre l'au-delà pour ce bas monde. Amma les kuffars, ils sont pas sûrs, ça se voit. Mais pardon, ils ont des doutes. Est-ce qu'on sera ressuscité, amla? Ces doutes, c'est de la mécréance. Dans ce point, on doit pas avoir de doute. C'est pour ça que, au lieu de se repentir et de préparer l'au-delà, ils sont en train de tout perdre. Mais annahum, ils souffrent dans ce bas monde, etc. Et ils mourront. Pardon, ils meurent très très jeunes. Ils n'ont même pas profité via des dunya. Pardon, ils vivent longtemps et ils souffrent avec des maladies, avec des épreuves via des dunya. Et ils subiront un châtiment énorme yom al-qiyam, à il-kuffar. Et certains, ils prennent un certain plaisir, iyadam billah fil haram. Et pour haoula, kadalik, ça sera très très dur de passer de ces plaisirs fil dunya directement dans la tombe, le châtiment, et le jour du jugement, كذلك le châtiment, et en enfer éternellement, ça sera très très difficile. Allez, هذا الكفار, ils ont pas de dîn, ils ont pas d'aql. Amma al-aql, celui qui a la raison, jamais il prendra le risque de perdre l'au-delà éternel pour quelque chose qui dure très très peu. Et ce peu, cette dunya qui est très très courte, avec des problèmes, avec de l'angoisse, avec des épreuves, avec du mal, il a aql. فنسأل الله عز وجل التوفيق. قال الشيخ سعدي رحمه الله تعالى وأما تفاصيل الجزاء ومقاديره فلا يدرك إلا بالسمع والنقول الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما لديتاي tout ce qu'on a vu maintenant par rapport au Sirat, par rapport au Haoud, par rapport au Mizan, à la balance, le pont, à l'Haoud, le bassin, les comptes, le châtiment de la tombe, les délices de la tombe, tout ça, il faut des preuves, bien sûr. L'arc, il peut pas connaître ces choses. Pourquoi ça fait partie de l'invisible? Il faut des textes. L'Inkin Biljoum, là, et le fait d'être ressuscité, rendre des comptes. Ah, là, même celui qui ne connaît pas les textes, il acceptera. Sauf celui que Allah subhanahu wa ta'ala, il a égaré. قال ومن الحكمة في محاسبة الخلق على أعمالهم ووزنها وظهورها مكتوبة في الصحف مع إحاطة علم الله بذلك ليرى عباده كمال حمده وكمال عدله وسعة رحمته وعظمة ملكه ولهذا عبر في تملكه ليوم الدين في عدة مواضع من كتابه مع أن ملكه عام مطلق لهذا اليوم ولغيره. نعم. قوله عز وجل مالك يوم الدين، مالك يوم الدين أي الله سبحانه وتعالى. فمن الحكمة في محاسبة الخلق على أعمالهم، قال ووزنها وظهورها إلى آخره، مع أن الله سبحانه وتعالى il sait tout ça bien sûr، il sait tout ça، لكن من الحكمة pourquoi tout est écrit dans des صحف، dans des registres comme on a vu. Kadalik, les membres de l'être humain y témoigneront contre lui dans certains cas. Tout ça, c'est min kamal adlillah, azza wa jal. Et c'est la justice. Hatta l'insan lui-même y voit. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait pu juger l'ibad sans ses registres, sans balance, sans que les œuvres soient pesées, sans que les membres y témoignent. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le haqq. Il fait ce qu'il veut. Lakin min kamal adlih. Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Et sa justice, elle est parfaite. Un insan, il verra lui-même. Iqra kitabak. Chacun lira son propre livre. Mais certains, yadam billah, leurs membres témoigneront contre eux. Hada c'est min tamam il adl. Hey, hatta l'insan, il se rendra compte et il sera sûr à 100% annahu il a subi aucune injustice. Nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala al-thabat wa al-tawfiq. Hada al-bab, il est muhim. Et avant de terminer, avant de passer, inshallah, le prochain cours au point suivant, au fondement suivant sur le destin, on peut ajouter aujourd'hui quelques masail qu'on n'a pas cités. Min kitab al-fiqh al-akbar bi sharh qatf al-thamar fi bayan aqidati ahli al-athar li al-allama al-siddiq Hassan Khan rahmatullah alayhi ay qatf al-thamar sa matn, ça ressemble. Cette risale, elle ressemble à l'Wasitiyya. Belle, la plupart des passages, c'est mot à mot l'Wasitiyya, avec certains ajouts. Et Cheikhouna Cheikh Abu Amr, waffaqahu Allah Ta'ala, il l'a expliqué fil fiqh l'akbar. Et le troisième mujallad, le troisième volume, c'est sur l'Iman bil yawm al-akhir. Et il a cité, hafidhahu Allah Ta'ala, des masail importantes, des points importants sur les étapes de l'au-delà qu'on peut ajouter à notre dars. La première masala qu'on peut citer, anna ard al mahshar hiya al sham. Ja'a an Abi Dharr radiyallahu an anna an nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala al sham ard al mahshar wal manshar. Na'am. Wa ja'a an Maymuna bin Sa'd qalat ya nabiy Allah aftina fi bayt al maqdis qala ard al mahshar. Al-Hadith sahahahu al-Imam al-Albani rahimahullah. Donc, les gens, ils seront tous ressuscités et ils seront tous jugés fi hadi al-ard, ard al-mahshar. Et cette terre, c'est en Palestine, ou plutôt fi Sham, la région de la Palestine, la Syrie, etc. Donc, les comptes fi ard al-mahshar. Kadhalik, une autre masala importante, wa hiya mawaqif fi al-hashr yawm al-qiyamah ba'd qiyam an-nas min quburihim. Ay, les gens, ils seront dans différentes situations à ce moment fi ard al-mahshar, ay sur cette terre qui sera plate, mithla al-khubza kama ja'a fi al-hadith. Il y aura aucune alama pour personne, aucun signe, plus de montagne, plus rien, plus d'arbres, elle sera plate et tout le monde sera sur cette terre. Et les gens, ils seront de différentes, sous différents aspects, différentes situations. منهم bien sûr tout le monde كما تقدم معنا حفاتا عراتا غرلا كما تقدم au départ tout le monde sera nu pieds nus ومن الناس من يحشر على وجهه عياذا بالله وهم الكفار les kuffar ils seront ressuscités sur leur visage Al-Mu'min, il sera comme sur terre, bien sûr, sur ses deux jambes. Debout sur ses deux jambes. Sur ses deux pieds. Al-Kafir, yuhsar ala wajhi. Kama ja'a fi sahih al-Bukhari wa sahih muslim. An Qatada, qala haddathana Anas ibn Malik radiyallahu anhu, anna rajulan qala ya Nabi Allah, kayfa yuhsar al-Kafir ala wajhi. قال أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة يعني نعم إلى demandé au prophète صلى الله عليه وسلم يا رسول الله comment explique-moi comment الكافر il sera ressuscité sur son visage il sera sur son visage au lieu d'être debout sur ses pieds لماذا لأن الله عز وجل قال الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا الشاهد dans le Coran قوله الذين يحشرون على وجوههم نعم ceux qui seront ressuscités et ils seront sur leur visage عياذا بالله فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب il a répondu أليس الذي يمشى على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة est-ce que celui qui l'a créé في الدنيا et qui l'a fait marcher sur ses deux jambes Un être humain normal, est-ce qu'il n'est pas capable, Yom al-Qiyama, de le faire marcher sur son visage ? Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Et ta'amal hada al-wasf et hada al-mouqif. Insanun iyadu billah, un être humain qui marche sur son visage. Ils ont refusé la vérité, ils n'ont pas voulu se prosterner lillah, ils n'ont pas voulu obéir, Allah subhanahu wa ta'ala, il les ressuscitera ala hada al-hal. كذلك بعضهم يحشر وليس في وجهه مزعة لحم. Certains ils seront ressuscités et ils n'auront plus de chair sur leur visage, que des os. هؤلاء الذين يسألون غيرهم. Alors qu'il n'y a pas de حاجة, il n'y a pas de دارورة, et ils demandent aux autres. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم بعضهم il ne cesse de demander aux autres donne-moi ainsi fais-moi كذا إلى آخر يسألون il demande aux autres هذا c'est حرام à la base c'est que c'est حرام sauf bien sûr dans certaines situations لكن la base c'est qu'on n'a pas le droit de demander aux autres donne-moi de l'argent donne-moi ci لماذا لأن c'est une cause de rabaissement, c'est une cause d'humiliation. كذلك tu gênes ton frère. هذا لا يجوز. كذلك ça empêche l'insan de faire les causes. Au lieu de se bouger, de travailler, il attend d'aimer les autres et il leur demande. Enfin, la mendicité dans notre din, c'est blâmable. Bien sûr, sauf dans certains cas, dans certaines situations, l'insan il n'a pas le choix. فالذي يكثر من السؤال قوله ما يزال c'est une habitude. Alors, il demande aux autres, alors qu'il peut faire les causes. فهذا يوم القيامة, il sera ressuscité sur son visage, il n'aura pas de chair. هذا كذلك, on doit réfléchir. تأمل أنت un homme qui n'a pas de chair sur son visage. Aïe, que le squelette. عياذا بالله. كذلك, بعضهم يحشر على هيئة الذر. هؤلاء c'est المتكبرون. Les orgueilleux. Ils seront ressuscités à la hayati al-dhar. Al-dhar, c'est un namlou al-sagir. Al-dhar, c'est une toute petite fourmi. Enfin, ceux qui avaient de l'orgueil, iyadam billah, ils étaient injustes envers les autres, wa yatakabbaroun, wa dhulm. Ahaoula, ils seront ressuscités à la hada al-hal. Sous l'apparence d'une toute petite fourmi. Limadha li'annahum fi dunya. Ils se voyaient très très grands. Ils se pensaient intouchables. Il se vantait, iyadam billah. Allah subhanahu wa ta'ala, il les punira directement quand ils seront ressuscités à la hada al-hal. Al-Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, il a rapporté à Amr ibn Shu'aib, à Abi, à Jaddihi, radiyallahu an, anna al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, qal, yuhsharu al-mutakabbirun yawm al-qiyama, أمثال الذر في صور الناس. فتأمل أمثال الذر، لا تاي دون فورمي على صور الناس، سور أبارونس دان نوم. Une fourmi, c'est tout très petit. Bel, c'est Adar, c'est les petites fourmis. Et avec l'apparence d'un être humain. قال في صور الناس يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخل شحنا في جهنم يقال له بولس فتعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار. الحديث il est ثابت. أن هؤلاء seront très très petits يوم القيامة حتى toute chose elle sera plus grande qu'eux. Et تعلمون أن الإنسان quand il est entouré de choses énormes et هو il est très très petit, c'est une cause de peur. C'est une cause, ça peut lui faire beaucoup de mal. فهؤلاء seront هكذا حتى يرنتروا في النار. عيادا بالله. كذلك بعضهم يحشر وهو يحمل ما غله. الغلول c'est le fait de voler min al-ghanim. C'est le fait de voler min al-ghanim. Alors, al-ghanim, c'est le butin. Le butin, مثلاً, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait le jihad, ils arrivaient à avoir un certain butin, certaines choses, de l'or, des bêtes, il a akhir. Celui qui vole de ce butin, qui appartient aux musulmans, fa hada, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, أو قبل ذلك قال الله عز وجل وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. Celui qui a volé une chose, الغلول, يوم القيامة, il apportera cette chose. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه, et le hadith il est dans صحيح البخاري صحيح مسلم, قال أي أبو هريرة رضي الله عنه قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره. النبي صلى الله عليه وسلم مرة il leur a parlé de الغلول, أي de voler du butin. Il leur a montré que c'était très très grave. ثم قال لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء على رقبته فرس له حمحمة يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال attention que l'un de vous يوم القيامة ne vienne pas avec شات على رقبته. الشات c'est un agneau, un mouton, une brebis. ثم قال فرس, et كذلك il a cité l'exemple du chameau. Attention de ne pas venir avec cette bête au-dessus de votre épaule, de vos épaules, au-dessus de votre cou, et vous me demandez, يوم القيامة, aide-nous. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dira, la amliku laka shay'an, je ne peux rien pour vous. Laqad ballaghtuka, ablaghtuka. Et je vous ai transmis, je vous ai montré que c'était interdit. Donc, l'insan yahdar de voler une chose aux autres, khasatan. Al-Ghanima, c'est encore plus grave. Hey, tous les biens qui sont consacrés pour les musulmans, les biens des orphelins, les biens de Zakat, l'insan yahdar. Al-Sadis, كذلك من الحالات, et ça c'est une حالة طيبة, يحشر الشهداء وجراحهم كهيئتها يوم جرحت. كذلك الشهداء seront ressuscités avec leurs blessures. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تفجر دما اللون لون الدم والعرف عرف المسك. أي celui qui a subi une blessure في سبيل الله في الدنيا, il sera ressuscité avec cette blessure et le sang qui coulera sera la couleur du sang, lakin l'odeur du musc. Fahadi, c'est une fadila azima pour al-shuhada. C'est pour ça que al-shahid, shahid al-ma'raka, celui qui meurt en martyr au combat, ay fil jihad fi sabilillah, il ne doit pas être lavé. Non. Il ne doit pas être lavé, il doit être enterré hakada avec son sang. Kadhalik, an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en garde contre ceux qui ne donnent pas al-zaka, ils seront ressuscités avec un châtiment. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Le jour de la résurrection, ceux qui avaient des biens, de l'argent, et qui n'ont pas versé la zakat aux pauvres, qui attendaient cet argent, c'est leur haq, c'est leur droit, ils la méritent. Allah subhanahu wa ta'ala, il a légiféré aux pauvres un pourcentage de l'argent des riches. Enfin, ceux qui ne versent pas cet argent, yawm al-qiyama, ils seront ressuscités. Et cet argent, ça sera une cause, ils seront brûlés sur leur visage, sur leur dos, etc. كذلك dans l'autre hadith, قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه: ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط وقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها وأخفافها. وهكذا صاحب البقر et des autres bêtes, celui qui avait des bêtes, chameau ou vache ou autre, et il devait sortir la zakat sur son troupeau et il ne l'a pas fait. Et au Qiyama, son troupeau, il sera présent et Iyadan Billah, il se fera écraser dans un endroit avec ce troupeau et il se fera piétiner, écraser. Limada li annahu, il a voulu garder ce bien, il n'a pas voulu donner al-haq al-wajib, l'obligation, un pourcentage. Sur un troupeau de beaucoup de bêtes, non, une bête, ou deux, ou trois, ça dépend la quantité. Et hada al-insan. Et t'as là ceux qui ont des troupeaux, c'est qu'ils ont, ils sont à l'aise. Qu'est-ce que ça va lui faire de sortir une bête sur un troupeau? Enfin, vu qu'ils se sont abstenus à cause de l'avarice, iyadun billah, et ils ont été injustes envers les autres qui attendaient cette zakat, ils auront ce châtiment. Son propre troupeau, il le piétinera et il l'écrasera, iyadun billah. كذلك ذو الوجهين, celui qui a un double visage. عياذا بالله أنه يفهم ترين فيزاج أن تل و أنوتر فيزاج أن تل. هؤلاء من أشر الناس كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هؤلاء veulent profiter avec tout le monde. Ils ne disent pas le haq. Ils disent ce que les autres veulent entendre. Et كذلك يكوز beaucoup de fitan. مثلا أنت il te vient sous une apparence أنه يبغى الخير ثم il te critique par derrière. هؤلاء font beaucoup de mal. Ils sont détestés عند الناس. Et يوم القيامة, ils ont un châtiment terrible. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمار رضي الله عنه: من كان له وجهان في الدنيا, celui qui a deux visages dans ce bas monde, كان له يوم القيامة لسانان من نار. يوم القيامة, il sera ressuscité et il aura deux langues de feu. تأمل أنت, deux langues. Et ces langues, c'est des langues en feu. Antalan, si tu te brûles, fais dunya un peu sur ta langue, ça te fait très très mal. Mabalouk, si on allume un feu dans ta bouche. Mabalouk, si ta langue, elle est en feu. Enfin, cet homme, il en aura deux. Pourquoi? Parce qu'il avait deux visages. Et ta'lamoun, anna, ceux qui ont un double visage, ils font beaucoup de mal avec leur langue. Et on les appelle double visage. Et c'est connu, non, ils n'ont qu'un visage. Mais pourquoi double? Parce qu'ils ont un double discours. À la récompense, يوم القيامة, ils auront deux langues de feu. Le hadith, il est dans le Sahih, il est dans Nabi Dawood, l'imam al-Albani, rahimahullah, il l'a sahih fi al-Sahih. La dernière catégorie qu'on peut citer, ceux qui faisaient al-wudu, al-mu'minun, al-muslimun, qui faisaient les ablutions pour faire al-salat. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. أن شك مؤمن يوم القيامة ses membres de l'eau d'eau, les pieds, le visage, les mains, les avant-bras, ولله الحمد, les oreilles, tout cela, ça sera illuminé. Pourquoi? Ce mu'min, il faisait l'oudou lillah, il était sincère et c'est une adoration qu'Allah il aime. Et la récompense, elle commencera yawm al-qiyama. Ses membres, ils seront illuminés. Donc on doit avoir hada l'ihtisab. L'oudou, c'est une ni'ma azim. كذلك جاء في الحديث أن pour chaque goutte الله سبحانه وتعالى il pardonne des péchés à ce musulman. فنسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. Et donc on a cité 8 cas ou 9 cas et de ceux qui seront recités sous différents aspects. كذلك on peut citer une autre مسألة طول يوم القيامة et la durée du jour du jugement. On a plusieurs textes في هذا. قوله عز وجل تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. صحيح. كثير من الناس يبانس كسا encore très très loin. Ça c'est ceux qui croient. Ils pensent encore que c'est très très loin. بعضهم يرتعد certaines obligations أو le repentir. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'il y a le temps. Allah subhanahu wa ta'ala قال إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا. Et il pense, et l'être humain, il pense que c'est très très loin. وَنَرَاهُ قَرِيبًا. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que c'est très très proche. Et الشاهد من الآية كان مقداره 50,000 سنة. La durée de ce jour, ça sera 50,000 ans. Dans l'autre verset, قال عز وجل في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. Dans ce verset, le premier من سورة المعارج, le deuxième من السجدة, Allah subhanahu wa ta'ala قال 1000 سنة 1000 ans. Donc tu as deux textes. Le premier qui montre que le jour du jugement ça sera 50,000 ans et le deuxième que ça sera 1000 ans. Al-ulama ikhtalafu pour citer al-jam' bayna al-ayatayn. تقدم معنا dans notre درس في الأصول أن bien sûr les textes ils ne peuvent pas se contredire et مثل هذه الأخبار concernant le jour dernier il n'y a pas de nasir ou mansukh abrogeant abrogé لماذا لأن c'est une information de ce qui se passera et vu que ces deux versets c'est clair qu'il n'y a pas de contradiction donc les savants ils ont divergé et min ahsan al-aqwal c'est que 50,000 ans c'est pour al-kuffar et 1000 ans c'est pour les croyants. 50,000 ans, c'est pour les kuffars et 1000 ans, c'est pour les croyants. Et l'imam Shanqiti, rahimahullah, dans son livre Daf' Iham l'Ittirab, ou Hakada fi Adwa' al-Bayan, il a fait une ishara et il a cité deux avis. Et parmi ces avis, ce qu'on vient de citer, c'est le plus clair. قال الله عز وجل فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. Ce jour-là, ça sera très très dur pour le kafirin. قال عز وجل يوم عسير. العسر, c'est la difficulté. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَ. Donc ce jour, pour les kuffars, ça sera très très difficile. Et parmi la difficulté, c'est la durée. 50,000 ans, c'est pas simple. خاصة, كما تقدم معنا, le soleil est très très proche, l'insan il est debout. Et les kuffars, bien sûr, ils auront ni à manger, ni à boire. Et بعضهم ils seront sur leur visage, بعضهم ils seront noyés dans leur sueur. نعوذ بالله, un منظر très très très très difficile. Ça sera une situation très très compliquée. والله سبحانه وتعالى أكد في سورة المدثر قال فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. فتأمل عسير et غير يسير. أي deux fois il a cité difficile et pas facile. بعض العلماء ils ont dit que pour le kafir ça sera 50,000 ans et pour les croyants 1000 ans. فالله تعالى أعلم. كذلك une autre مسألة أن أول ما يحاسب عليه الإنسان أي l'être humain va être jugé par quoi en premier. أما فيما يتعلق ما بين العبد وبين المخلوقين أي tout ce qui s'est passé entre les êtres humains, la première chose que les êtres humains vont rendre des comptes c'est في الدماء, c'est par rapport à tout ce qui est lié au sang, meurtre, aux blessures, etc. Les hadiths, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. C'est pour ça que c'est très, très, très, très grave, هذا. Celui qui a tué un autre, عيادن بالله. La première chose sur quoi il rendra des comptes, ça sera الدماء. Et sa victime en face de lui et les comptes. هذا سي فيما بين العبد والمخلوق أي entre créatures. أما بين العبد وبين ربه أي l'être humain par rapport à ce que Allah سبحانه وتعالى lui a ordonné أو interdit. فلا première chose كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. La première chose que l'abd il sera interrogé يوم القيامة. Il a déjà été interrogé ce abd. Il sera déjà interrogé ce abd dans sa tombe. تقدم معنا من ربك ومن دينك ومن نبيك. لكن après avoir été ressuscité, quand les comptes commenceront, la première chose الصلاة. La prière, est-ce qu'il l'a accompli? قال فإن صلحت فقد أفلح. Si cette salat, il l'a fait sincèrement lillahi azza wa jal, en respectant ses conditions, son heure, etc. قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد أفلح وأنجح. Il aura réussi. Il aura gagné. Il aura réussi son test في الدنيا. قال وإن فسدت فقد خاب وخسر. أما إذا فسدت. Ça, ça veut dire que الظاهر من الحديث, c'est que هذا الإنسان, il l'a fait. Il l'a accompli, lakin fasida, peut-être que c'était pas l'Illah Azza wa Jal, peut-être qu'il n'y avait pas les conditions, mais alors que celui qui ne la faisait pas du tout. هذا لا شك أنه يسرى في خسران مبين. قال فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك. نعم. Ça montre l'importance des nawafil. أن cet être humain vu qu'il pourra. Et on a tous des faiblesses, des manquements. Une salat qu'il n'a pas fait à l'heure, ou une salat qu'il a manqué certaines choses, certaines obligations. Mouhim, une salat naqisa ou une autre œuvre. Allah subhanahu wa ta'ala, il dira, انظروا. Et regardez, est-ce que mon serviteur, lahu min tatawwu, at-tatawwu c'est nafila. Et une adoration recommandée. Est-ce qu'il faisait des salawat en plus, et pour compléter l'obligation? Ça, ça nous montre qu'on ne doit pas négliger un nafila. Un nafila, elle te préserve ton fort. Pourquoi? Il y en a celui qui est sérieux dans le recommandé. Il est sérieux dans l'obligation. C'est un bouclier qui te préserve ton obligation. Et qu'adalik yawm al-qiyama, ça te complète tes manquements. Naam, al-hadith, il est sahih. On avait cité la mas'ala kadhalik par rapport à al-hawd. Est-ce qu'il est avant sirat? Est-ce qu'il est après sirat? On n'avait pas détaillé. فبعض العلماء اختلفوا. Est-ce que le hawd il est avant le mizan ou il est après le mizan? Est-ce qu'il est avant sirat? Il est après sirat? Al-imam al-Qurtubi rahimahullah fi al-tadhkira, le premier mujallad, qala واختلف الناس في الميزان والحوض أيهما قبل الآخر. Est-ce que l'étape du bassin al-hawd elle est avant le mizan, la balance ou l'inverse? قال فقيل الميزان قبل الحوض وقيل الحوض. Certains savants ils ont dit al-mizan, la balance elle est avant le hawd, et les gens ils rendront des comptes awalan thumma ils passeront vers al-hawd, vers le bassin pour boire. D'autres savants ils ont dit là al-hawd il est avant, ils boiront awalan thumma les comptes. نعم قال القرطبي رحمه الله. Il a rapporté la parole de Abu al-Hasan al-Qabisi wa as-sahih anna al-hawd qabl. As-sahih anna al-hawd qabl. La vie authentique pour lui c'est que le hawd il est avant les comptes. Qala al-Qurtubi rahimahullah wa al-ma'na yaqtadhi fa inna an-nas yakhrujuna 'attashan min quburihim kama taqaddam fa yuqaddam qabl as-sirat wal-mizan wallahu a'lam. Na'am. Et hada c'est une qarina qawiyya. Anna sahih anna les gens ils sortiront de leur tombe assoiffés. Donc min al-munasib comme a قال l'imam Qurtubi rahimahullah, c'est que al-hawd c'est une des premières étapes. Annahum yboiront bien sûr les croyants, thumma les comptes, thumma as-sirat. As-sahih walladhi yadhhar c'est que al-hawd il est avant as-sirat. Et كذلك il est avant les comptes. Et بعض العلماء يقولون انه يدو حوض, il y en a des autres hadith qui montrent anna as-sirat il est après. بعض العلماء ils ont cité des aqwal pour rassembler entre tous ces hadiths. Et Ba'd al-ulama, ils ont dit la mani. Il n'y a pas de mal qu'il y a un hawd avant as-surat et un hawd après, fallahu ta'ala a'lam. Et celui qui veut approfondir ce genre de masail, on a cité certains livres. Dernière masala, et on conclut hada ad-dars biha. Qui c'est qui va être repoussé du hawd? قال الإمام القرطبي رحمه الله في التذكرة قال علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين فكل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه La gravité de l'bid'a, d'inventer des choses dans le dîn. لماذا؟ لأن جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم Il a démontré que ceux qui seront repoussés, c'est ceux qui ont changé. Et tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Ceux qui ont changé, qui ont déformé. Ça montre la gravité de l'bid'a. L'imam Qurtubi, rahimahullah, il a montré que ceux qui sont repoussés, des choses que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas légiféré. ثم قال واشدهم طردا من خالف جماعه المسلمين. Et parmi ceux qui seront le plus repoussés, ceux qui ont خالف جماعه المسلمين. وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف فرقهم والروافض على تباين ضلالهم والمعتزله على اصناف اهوائهم. اي les groupes qui appelaient à la révolte, شق العصا, la division, de combattre le gouverneur, de verser le sang, qu'al khawarij, ou al mu'tazila, ou al rawafid kadalik, ou la, la chèque, amma al rawafid, c'est min akhbath al firaq. N'aim, fa oula, ils seront repoussés. Qal wa kadalik al zalama al musrifoun fil jawr wa al zulm, wa tatmis al haq, wa qatl ahli, wa idlalihim, wa al mal'ounoun, والمعلونون plutôt بالكبائر المستخفون بالمعاصي كذلك ceux qui faisaient des grands péchés devant tout le monde qui faisaient des grands péchés devant tout le monde des petits péchés يعني باستخفاف اي pensaient que ça leur ferait aucun mal قال وجماعة اهل الزيغ والاهواء والبدع etc فنسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. Voilà certaines masaïl qu'on voulait ajouter pour compléter à Hadal Bab. Liana fil Iqtisad, on n'avait pas détaillé, c'était le premier livre. Et Al-Wasitiyya, c'est un livre qu'on a fait après l'étude de certains livres précédents. Donc, min al-munasib, c'était de citer certaines masaïl qu'on n'avait pas vues auparavant. Et on répète, Anna, ce sujet, on l'a étudié ensemble et on l'a détaillé dans certains points, pas dans tous les points. Wa ala kulli hal, talib ul ilm qui veut al-mazid, falhamdulillah, les savants, ils ont écrit et ils ont expliqué kathiran ces textes. Kadalik, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, il y a des abouab, bien sûr, sur al-yawm al-akhir, et shuruhat ahli al-ilm, comme Fath al-Bari, comme sharh l'imam al-Nawawi ala Muslim, et d'autres livres, ils ont expliqué hadith al-masail. فنكتفي بهذا إدما إن شاء الله تعالى on commencera l'étude du fondement sur le destin et on passe à notre prochain درس ولله الحمد وبإذن الله عز وجل.